Alice n'a pas aimé la chanson qui suit. Personnellement, je trouve qu'une chanson est réussie quand elle exprime exactement les émotions qui l'ont inspirée. Et cette soirée d'été au village du Castellet était folle. Elle était folle parce que j'étais fou. J'étais fou d'Alice. Sa seule présence rendait le monde magique. Avec elle, tout devenait beau. J'ai jamais su comment elle faisait ça, mais il y parvenait tout le temps sur moi. J'ai pris une photo d'elle ce soir-là. La photo était trouble à cause de la nuit. Elle souriait. Son sourire était splendide, frais, naturel, habité. Je serais tenté de dire amoureux. Oui, c'est ça. Elle avait un sourire amoureux. Il est rare ce sourire-là.